S'il te prend l'envie de dire aux pousses parce que la vie ne t'est pas douce, y a un petit homme pas plus haut qu'une pomme, cet homme qui pousse un refrain. On cabriole et l'on batifole, je danse avec toi, si tu danses avec moi. Ah, j'aime la vie, je chante, chante, j'ai pas de soucis qui me tourmente, et j'envoie mes trilles aux garçons, aux filles qui vont la main dans la main. Doudidoudidou, tidoudidoudidoudidoudidou, tidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudido j'aime la vie. Je chante, chante, j'ai pas de soucis qui me tourmentent et j'envoie mes trilles aux garçons, aux filles qui vont la main dans la main. On cabriole et l'on batifole, je danse avec toi, je danse avec moi. Et tous les soucis s'envolent, volent, s'enfuient dans la nuit. La farandole des garçons, des filles ouvrira les grilles des plus jolis lendemains. Doudidoudidou, didoudidoudidoudidoudidoudidou, didoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoudidoud